FrenchPod.com. Allô? Je t'entends pas. Et répète. Oh, ça a coupé. J'en ai marre. C'est toujours la même chose avec ce foutu portable. J'ai jamais de réseau. Bon, c'est décidé. Je rentre dans la première boutique sur laquelle je tombe, quel que soit l'opérateur. Et j'en achète un nouveau. Ah tiens, ça tombe bien. Il y en a une juste au coin de la rue. Bonjour mademoiselle. Bonjour monsieur. Je voudrais un téléphone portable, s'il vous plaît. Avec ou sans abonnement? Vous pouvez me proposer une offre spéciale avec abonnement? Bien sûr. Il y a une promotion pendant toute la période des soldes. Si vous prenez un forfait mensuel de 3 heures, vous disposez d'un nombre illimité de SMS. Et quel est le montant du forfait 3 heures? 25 euros par mois. Ce forfait comprend tous les appels que vous passez vers les différents opérateurs français, mais pas les appels à l'étranger. D'accord. Et vous bénéficiez du report de minutes, c'est-à-dire que les minutes non utilisées sont reportées au mois suivant. Laissez-moi réfléchir vite fait. Pour l'instant, j'ai un forfait de 2 heures, je suis toujours hors forfait. Et vous m'offrez l'avantage des textos gratuits et le report des minutes. Ouais, c'est bien, j'ai l'impression que ce n'est pas une arnaque. Très bien, voici votre carte SIM et votre chargeur. J'aurai juste besoin de votre carte d'identité et de vos coordonnées bancaires.